C'est beau ce comptoir. Oh, tu sais, ça irait encore s'il n'y avait pas leur sacré pendule qui va faux. Comment ça? Elle retarde? Waouh! La regardez en arrivant. Elle marque, mettons, 10 heures. Le temps de piquer 3 au grand restaurant, la voilà sur 10. C'est de ces pendules pour après la guerre, quoi. Paraît que tout ira d'une de ces vitesses. Et le tantôt, c'est du même. Qui fait qu'à peine tu as le temps de faire la rue des Quintons en s'arrêtant juste de quoi ne pas se faire à fort, c'est l'heure du train. C'était à la journée officielle, hein? Ouais, comme de juste. Ah. Et ses discours, était-il beau? Oh, magnifique, ça rien à dire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu dire, au fond? Des choses bien intéressantes. On s'instruit, ma foi. Par exemple? Ils ont dit que la guerre n'est pas finie. Ah ouais? Ouais. Il fallait demeurer vigilant. Tiens. Que l'après-guerre ne devait pas être abordée avec un optimisme béant. C'est vu, mais que quand même, il n'y a pas de raison de désespérer ou quoi. Et qu'un peuple qui a la volonté de vivre finit toujours par surmonter les pires épreuves. Comment ça? Vous étiez aussi? Vous n'avez pas vu? On n'y était pas. Alors? Mais moi, j'y étais l'autre année. Ça fait que ça m'étonnerait bien que ça ait changé. Quel mauvais esprit tu as, Carrie. Non, voyons, dis sa manière de causer. Du reste, ce serait beau voir qu'il nous dise autre chose, hein. Il vient de nous raconter qu'il n'y a plus besoin de faire attention, que même si on en met, on est ratiboisé d'avance, c'est tout. Ça fera un beau raffut, vous en garantissez. Ça n'empêche que moi, je l'ai plein. Ceux qui doivent toujours faire des discours. Bon, faut pas dramatiser. À quelle habitude un discours, il te lâche ça comme il fait une promesse. Il ouvre la bouche et puis c'est loin. Puis on n'en cause plus. Ça n'empêche que des fois, il y a où ces grands orateurs doivent se trouver dans de drôles de postures. On en avait raconté une, je sais pas si elle est vraie. C'était un conseiller d'État ou un conseiller national. La porte-ficelle, quoi. Ouais, enfin, peu importe. Donc, un certain dimanche tantôt, il avait deux discours à faire. Faut dire que chez nous, c'est une manie, hein. Dès qu'un paire de citoyens se réunissent le dimanche après-midi, il leur faut une souleille pour une grosse nuque, quoi. Il fait que des saisons, il y a ces gaillards qui doivent se faire en quatre. Ok, en ça, il devait causer à midi un banquet des carabiniers. Et le tantôt à une assemblée de dames. Oui, je ne sais pas où juste quelle, des féministes ou des végétariennes ou tempérantes. Une secte, quoi. Voilà. Une secte. Vous savez qu'il avait passé tout son samedi à torcher de discours. Pour les carabiniers, ça allait tout seul. Il a repris celui qu'il avait fait aux artilleurs 15 jours avant. Pourvu qu'on dise qu'il vaut mieux que les autres, tout le monde est content. Mais pour les mamans, c'était plus compliqué. On n'est pas tant habitué à leur causer quand elles sont en troupe. C'est même curieux que quand tu n'en as qu'une devant toi, tu ne sois jamais fichu d'avoir le dernier mot. Et puis que dès qu'elles sont en masse, tu peux lancer un discours complet sans qu'elles t'interrompent. Enfin, que veux-tu, c'est comme ça. Avec mon grand homme tout émoustillé dans le fond, commence à t'astiquer de ces phrases qui empoisonnaient le bon sens à des maîtres. Ça le rajeunissait, comme s'il avait dû se remettre à écrire un billet doux à une gamine. Il n'était pas peu fier du résultat. Tout y était, j'avais. Le cercle charmant, les fleurs dans les prairies, la joie du regard, le printemps, le renouveau, le charme, les papillons, ben toute la boutique, quoi. Il avait même réussi à y glisser un bout de poésie qu'il avait probablement trouvé dans des caramels de noces. Ben, arrive le grand jour. Au banquet des carabiniers, tout va bien. Ils te leur salivent ces trois pages droit bas. Là-dessus, ils se lèvent et puis leur fait. Ma fille, je m'excuse, mais je suis attendu par des dames. Et vous le voyez d'ici à prendre des petits airs conquérants. Hein? Ben, il s'en va. Dehors, il faisait un gentil soleil de fin d'hiver. Et il avait bien mangé, tout allait bien. Avec le voilà encore à se monter le bobéchant. Il aurait poussé une paire d'ailes, que ça n'aurait pas pu étonner que ça. Ah, c'est joli ces moments, on en a tous comme ça. Il nous semble que les années que l'on a vécues nous reviennent contre, là, avec des fleurs pleines les jours. Ah, voyez-vous ce Cavis, vous avez raté votre vocation. Ah, oui. C'est bien joli comme tu dis Cavis, mais c'est dangereux. Parce qu'après, on est bel et bien obligé de replonger dans la réalité. Et dans le cas que je vous parle, la réalité... C'était un comité féroce que ce pauvre gaillard qu'elle avait pourtant vu dans sa vie en a eu le sifflet coupé pour un bon quart d'heure. De ces femmes pleines de qualité et de vertu, par Dieu, même qu'elles en avaient trop. Avec de ces chevelures en chiron, des sourires à manger un agent de police avec le sabre. Enfin bref, des femmes, tout ce qu'il y a de plus d'attaque. Mais qu'on nous aurait tant comparé à des papillons qui voltigent. Et alors? Alors, ma foi, cet homme se dit, je n'ose pas leur enfourner ma marchandise sur le printemps, le charme et les jolies fleurs. Elles seraient capables de croire que je me paye leur tête. Sans compter que ce genre de femme, ça ne coûte rien tant la fadelle. Oh là non! Ah, ça fait qu'il a dû rafraîchir considérablement son discours. Pas plus. Comme c'était un gaillard d'attaque qui avait l'habitude des décisions rapides, elle n'a pas fait un pli. Elle a regardé la salle, s'est redressée, elle a remis son discours dans sa poche de droite, et sortant des torchons de papier qu'il avait dans son autre poche, il te leur a refait le même discours qu'au carabinier. Ça t'y pris au moins. Oh, pomme. Même que la présidente y a fait... Monsieur le conseiller, ça me fait plaisir de raconter une fois un homme qui sache causer aux femmes. Même qu'elle est devenue si aimable que ce pauvre monsieur est dans ses tout petits souliers. On n'a rien sans rien, on ne pourrait pas avoir la gloire, le pouvoir et rien que des profits. Ça n'empêche que ça doit être des fois rude, embêtant ce commerce de discours, de cortège et tout. Oh, pour, a eu le soin, après tout. À propos, syndic, vous n'allez tout de même pas nous faire croire que vous êtes allé au comptoir. Sans regarder la fosse aux ours, ou quoi? Mon fils, j'aurais bien voulu, n'est-ce pas? Mais il y avait une telle écrasée de gens par là autour que je ne suis pas arrivé à en voir la queue d'homme. Il paraît même que ces pauvres bestioles n'arrivent pas à se détruire à mesure toutes les carottes qu'on leur lance. Ça, c'est bien de nous, alors, les Vaudois. Toutes les fois que les Bernois ont voulu nous tirer une carotte, ils s'est trouvé des Vaudois pour leur lancer même plus qu'ils n'en demandaient. Enfin, cette fois-ci, ne criaillons pas. C'est Bernie qui nous a fait un cadeau. C'est assez rare. Eh bien, jouissons-en. Ouais, ils veulent déjà assez les reprendre, leurs bestiaux. Ne n'ayez peur. N'empêche, l'intention y est. Moi, ce que je trouve joli, ça n'est pas tant de nous avoir envoyé des ours. Ah, ça leur arrive déjà plus souvent qu'à leur tour, puis sous divers prétextes. Ce qui est nouveau, c'est que ces ours, il les a mis dans une fosse, hors d'état de nuire. Ça, c'est bien la santé. Conservation. À santé, messieurs. Ce qui m'a le plus remué dans ce Lausanne, c'est leur tonnerre de sirène. Mais c'est épouvantable, ce chenambre que ça fait. Chaque fois que ça repartait, moi, je me dressais sur les airs. C'est qu'ils n'y vont pas de main morte, seringue que je te seringue toutes les demi-heures en avant la musique. On ne faut pas s'étonner si ces gaillards des villes sont des fois des énervants à ce régime. On viendrait vite fou. Ah, c'est le plus drôle. Moi, quand ça commence à miauler, je joignais le croupion, il me fallait chaque fois une minute pour me reprendre. Mais ceux de Lausanne, pour tout juste comme s'ils n'avaient rien attendu. L'habitude. Oh, c'est pas tant mal à comprendre. Tu te rappelles le syndic avec les premiers temps qu'on était mariés. Sitôt que la femme disait un mot de travers, on était dans tous nos états. On crevait de chagrin avant même qu'elle ait causé. Rien que de voir la carte dans ses yeux. Tandis qu'au jour d'aujourd'hui, elles peuvent donner l'alarme toute la sainte journée. Pouf, pouf, on y est fait. Oh bien, je pense qu'avec ces sirènes, ce sera comme avec l'obscurcissement. Ça ne va pas durer des éternités non plus. Hein, c'est même ça qui est tragique. Comment tu dis ? Tragique ? Ouais, ouais, tragique. Faut quand même regarder les choses en face. On est là qu'on espère la fin de la guerre et tout. Eh bien, pour nous, passe. Mais il y en a des gens qui vont faire une rude pote. D'un jour à l'autre, j'en connais qui vont revenir à rien. Et c'est que ça peut être pas toujours facile, allez. Oh, quand même, caviste. Tu vas fort. Mais non, mes amis. Écoutez-moi. J'ai entendu la scène de ma femme qui la tient d'une de ses amies, que son mari est colonel ou major, je ne sais pas. En gros, quoi. C'est l'ami qui le lui a raconté. Comme c'est une histoire de famille, elle n'est forcément pas tant bienveillante. Dans ses forces, bien sûr. Mais le fond est vrai, alors terriblement vrai. Non, ce gradé que je vous dis paraît qu'il est impossible à vivre chaque fois qu'il revient d'une relève. Il a un cac et puis a besoin d'espace pour voir. Oh, ben j'ai pas peur, ça doit y passer encore plus vite. Mais d'après ce que la femme racontait, je savais comme ça. Mon gaillard arrive tout plantant, grand coup de boîte dans les escaliers, embrassade, tuffage, tout le diable est en train. On se met à temps. Et le voilà remonté à n'en plus finir, devant toute la famille et bobine les histoires des piles. Mes hommes, mon ordonnance, mon adjudant, mes mitrailleuses, j'ordonne, je réordonne, alors je prends la décision, remets, et mon sifflet, et mon cheval. Jusqu'au moment où sa femme y fait toute douce. Va bien, Octave. Tu me t'en raconteras ce soir. Pour le moment, il te faudrait venir m'aider à relaver. Tu essuieras. Ouais, tu m'as mis en retard avec tes histoires. Et mes femmes sont en ce moment dans un autre secteur. Ah, sacré caviste, là, toujours le même. Ah, ça a l'air baroque, mais c'est quand même bien ça. D'autant plus que dans une manœuvre. Si on fait une manque à tous, on peut toujours arriver à l'expliquer. Tandis qu'à la cuisine, si on prend le linge des verres pour essuyer les couteaux, on a vite appris toute la théorie. Au fond, quand on y pense, il y a bien des subalternes qui voudraient voir leur supérieur dans cette situation. Ça les soulagerait. Pas même, parce que les femmes, c'est une justice à leur rendre. À partir d'un certain âge, elles ne font plus la différence entre les galants. Il n'y a pas besoin d'être colonel pour se faire tout petit à la cuisine. Ça fait que, comme je disais il y a un moment, quand ça va être fini à la toute, j'en connais pour qui ce sera la fin du monde, ils vont faire du noir. Avoir été des grands manitou, puis brusquement n'avoir plus rien commandé que trois décides de loin en loin, ça sera dur. Et puis, tu sais, je ne crois pas les plus gradés qui regrettent le plus, ouais, non. Si on en juge parce qu'il s'est passé l'autre jour. Et quoi? Oui, mais alors ça, je vous le dis entre nous, hein. Et je dis pas la commune, parce qu'il faudrait pas s'abriter. Ces histoires de défense nationale, il faut se méfier. Alors justement, c'est une commune où il y en a un qui est pétri de qualité. Tout le monde l'aime bien, Bardine, mais on le chine facilement pour son amour de la cocarde. Ça s'explique du reste. Dans la vie, il n'a pas tant l'occasion de commander. Tandis que quand il faisait du service, c'est comme le gaillard que tu nous disais tout à l'heure. Sauf que le mien, plus modeste, était tout simplement sergent. C'est un beau grade. Et personne ne te dit le contraire. Surtout pas lui, Pardine. Du reste, il était servi à point, puisque dans la commune, tout le monde y dit le sergent. Oh, ben je le connais. C'est la motus, hein. Et donc, ce brave sergent, depuis 36, 37, il n'était plus en place. Chaque fois que ça avait l'air de s'allumer un peu, il partait rebouiller dans son armoire, là où il avait mis son uniforme. C'est la guerre. Commence le bonheur pour cet ami. D'autant plus que le voilà bombardé à un poste de confiance. Pensez, il est tenu de contrôler les chevaux de l'arrondissement. Diable, par Dieu, bien sûr, qu'entre ça et le général, il reste encore bien quelques échelons, n'est-ce pas? Après, faut croire qu'il s'en voyait un peu différemment, après que l'autre jour, grand branle-bas dans la commune. Tous les chevaux dehors. Garde locale mobilisée. Des femmes des postes de secours sur leur 31. Ça n'était plus un village, c'était du lait qu'il y a l'eau. Il y a encore pas mal de gens qui étaient déjà mobilisés. On peut dire que tout le village était sur pied de guerre. Bon, on attend. Tout le monde attend. Tout le monde attend. On demande au chef de la garde locale, qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Attends des ordres. aux Samaritaines. Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas, on attend des ordres. Il y a qu'à demander au syndic que fait un. Les ordres de mobilisation, c'est lui qui les reçoit. Justement, le voilà qui arrive. Et avant qu'on ait eu le temps de lui dire la moindre des briques, le voilà qui demande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous devenu fou, quoi? Alors, on voit le sergent, grand uniforme, qui s'avance, prend la position et fait. C'est la mobilisation générale. Mobilisation générale, qu'il s'indique. Pas question, je le saurais. C'est la mobilisation générale. Mais pas de mais ou je te fous dedans. Du moment qu'il y a mobilisation générale, c'est moi qui commande ici. Moi, sergent. Toi, syndic, tu n'as rien à dire. Compris? Oh, c'est pas possible. Textuel. Que les gens du village branlés sur leurs pattes, partagés entre la crainte que ça soit sérieux et l'espoir que ça soit la plus grande rigolade de leur existence. C'était bien entendu une rigolade. Heureusement, oui. Ça s'était trouvé que mon sergent avait reçu coup sur coup un ordre de réquisition pour les chevaux, rapport aux troupes sur pied, et un téléphone de son garçon qui était à Biagueur et qui avait dit que c'était la mobilisation. Voilà mon gaillard pris du tourniquet militaire et qui sème la panique par les villages, donne des ordres à U et à Dia, que les gens tout énervés obéissent au doigt et à l'œil. Et toute cette mobilisation qui vient de là. Au moins, il aura eu son beau jour dans sa vie. Oui, ça prend pas d'histoire, au moins. Oh, bien sûr que non. Pensez bien qu'ils ont assez ri pour ne pas aller envenimer l'affaire. La farce est assez bonne sans y mettre du vinaigre. Non, ils se sont contentés de donner un nouveau galon à l'auteur du coup d'éclat. Un petit promu sergent-major, il l'aurait mérité. Que non. Seulement, au lieu de dire sergent, ils y disent aujourd'hui Napoléon. Eh bien, j'appelle ça une belle carrière. Et rapide. Oh, mais puisqu'on est au chapitre des grands conquérants, j'ai entendu l'autre jour un bien joli mot. On était donc à ce rapport des chefs de la garde locale. Ah, vous êtes chef de la garde locale? Non, c'est le tiet. Moi, je suis sous-chef. Oh, c'est bien absorbant, hein? Alors, il m'a envoyé à ce rapport, parce que lui, ce jour-là, il avait à bricoler, pas la baraque. Ah, ça, c'est pas le vrai. Non, il doit avoir eu une blessure d'amour propre. Il était tout feu, tout flamme, puis maintenant, il fait le mort. C'est possible, ma foi, d'autant plus qu'il me faisait le difficile dans mon poste, c'est de commander sans galon. Ma tâche serait facilitée si on avait des galons, oui. Ça sera ça. Donc, il me délègue à ce rapport. Vous connaissez tout ce genre d'engaine. On vous convoque parce qu'il faut bien vous convoquer. Et puis après, on se demande ce qu'on pourrait dire de nous raconter pour tuer le temps. Et faute de mieux, on nous relie en long et en large toutes les circulaires fédérales et cantonales de la matière. Moi, si on me donnait à choisir entre ça puis m'arracher cette dingasseille qui branle depuis 10 ans, j'aimerais encore mieux arracher là-dedans. C'est quand même un moment dormant. Que bref, la police circulaire, vient la théorie. Prenez une feuille de papier et un crayon et notez. Et puis toutes les 5 minutes, recommandation. Notez bien ça surtout, très important. Et vous notez, bien entendu. Va voir, espère toujours. En tout cas, on était bel et bien tous en train de se pencher sur la table et puis de faire semblant d'écrire. Alors ça oui, on aurait dit la dictée à la visite de l'école. Bon, tout a une fin, même le plaisir le plus délicat, tant et si bien que voilà midi, puis quand nous lâche. Sauf bien entendu, repas en commun. Ça fait que nous voilà assis devant une grande table blanche. Puis juste en face du commandant du cours, il s'en trouvait un, je sais pas d'où il sort, mais un de ces gaillards avec un petit air à 2 airs qu'on se méfie, chose, qui regarde la nappe qui était en papier, comme il convient. Vite de ce que nous le regardait pour qu'il se causait à soi-même. Ouais. Au moins ici, j'aurais eu du papier. Et comme le commandant le regardait en train de se demander s'il fallait comprendre, voilà mon cadet qui rajoute. Seulement dommage qu'il me manque toujours le crayon. Ça au moins, c'était un beau d'or. Eh bien, mes amis, c'est justement ce qui vous trompe. Il avait un accent allemand à couper au couteau. Alors le climat d'ici, il a profité. Que non, Réjean. Ça prouve simplement qu'avec ce caractère, il ne pouvait pas tenir outre sa rine. C'est pour ça qu'il a bel et bien dû venir en ça. Ouais, dites-moi, mes amis, c'est pas pour une raison parce qu'on n'obscurcit plus pour peser dans ce café, hein. Le devoir nous atteint. Sous forme d'une femme que rien ne changera en statut de sel. Si sel il y avait, c'est vous qui mettriez le vinaigre. Voulez-vous bien, Régent? Au revoir. Au revoir, Dieu. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Parce qu'on ne vient plus que tous les mois, qu'il te faut arriver en retard. Ça serait-il que vous êtes pressé ou quoi? Parce qu'alors, il y a toujours un moyen, c'est le courrier. Je ne vous en empêche pas. Bonsoir, Carmel. Bonsoir, Carmel. Et ça va-t-il? Oh, comme le diable à la descente. Hein, quand tu es au régime, comme quoi je n'ai plus besoin d'ouvrir la radio pour avoir de la musique, il y a un concert permanent chez moi. Est-ce que ça continuerait? C'est dans le Ghana Bismarck. Ouais. C'est affreux quand même. Un gaillard comme ça. Mais ton odeur se tient, cette grouille-là. C'est pourtant pas de sa mère. Ah ouais, non, la boyotte, elle a ses défauts. Elle sera plutôt regardante. Oh, carrément peignette, oui. Et puis, si on se décidait des fois à punir celui qui a inventé la poudre, elle aurait rien risqué. Oh, bien sûr, quand ce n'est pas la malice qui l'étouffe. Et c'est une toute douce. T'as dit que son gamin, c'est qu'il a une tête de mulet, celui-là. Il est donc en désaccord avec ses parents. Ou désaccord, le mot est encore bien joli. On n'est plus vivable chez Bismarck. C'est un cirque. Ah ouais, c'est passé cette boyotte avec ses yeux rouges, qu'elle profite quand elle se croit seule pour se les essuyer avec son coin de tablier. Et les deux hommes, c'est des fous. Quand vous les voyez pas, vous les entendez. On dirait la meute à la chasse. Mais au fond, pourquoi? Allez savoir. Vous savez comme elles sachaient toutes les bêtes. Des cas où deux de la même famille ne veulent pas se sentir. Quand celle est la faim, ça va bien. On les change de cage. Ou alors on mange le plus féroce. Oh, la tête à clavis, tu vas me faire rêver que je suis en train de manger le Bismarck. C'est justement le hic. Que dans des cas comme ça, on ne sait pas que faire. N'est-ce pas, ce n'est pas si simple. Ce gamin, on l'a envoyé à l'école d'agriculture et tout. Bon. Il rentre gonflé à bloc de théories flamboyantes. Il va te chambarder ses méthodes, faire trois récoltes par année sur les mêmes terres, rugis sur l'ongle, etc., etc. Et la première fois qu'il se mêle de vouloir changer la moindre des briques, voilà le père qui t'y ramène dessus. Veux-tu bien? J'ai toujours eu fait comme ça. Je n'ai pas de leçon à prendre d'un gamin qui n'est pas encore essuyé derrière les oreilles. Et patati et patata. Quand trois mois de ce régime, qui dansent ne plus pouvoir se regarder, sans venir plus que carrefour. Oh, oui, bien. Mais il était trop fort. À l'entendre ce gamin, il faudrait commencer par raser la ferme, tout, pour reconstruire au propre. Ou presque, quoi. Oh, forcément. Ils exagèrent l'un et l'autre. Mais surtout les jeunes. Dans la tête bourrée de techniques, de progrès, Dieu sait. Allez, laissez faire. Ça serait plus tenable. On se tiendrait de ces écuries qui traluiraient comme des corridors de bec, hein, avec un paillasson sur la porte pour qu'on puisse essuyer les pieds en entrant. Et même les moissons, au bout de 2-3 jours, ils s'y mettraient. Et que probable, ils demanderaient à sortir pendant la nuit pour ne pas salir le couchette. Et tout à l'avenir. Oh, je vois ça comme son niette. Il y aurait à côté de chaque bête un tableau, comme qui dirait un de ces thermomètres perfectionnés comme ils s'en tiennent par Lausanne dans les coins des rues. Et ça serait pourquoi? Pour les statistiques. Tout se marquerait automatiquement. À chaque traite, toc, on n'aurait qu'à regarder l'aiguille. Total de la traite, total du jour, total du mois, total de l'année, moyenne parfaite, moyenne au rendement par hectare, appréciation de l'expert. Tout y serait marqué d'un coup en lettres de radium. Le contrôle laitier n'aurait qu'à faire son relevé tous les 3 mois, comme pour le compteur d'électricité. Et c'est ça de la civilisation, mes amis. Ça serait magnifique. Eh, pardieu. Ben, c'est là que le Bismarck n'a pas été tant malin. À la place de prendre son gamin à rebrousse-poil comme il l'a fait, il aurait pu biaiser un peu, l'amener tout doucement, là, en donner un peu de joie à la bride. Parfaitement, c'est toujours le meilleur moyen. Que me rappelle le Gilet quand il avait rebâti. On est venu lui offrir un système perfectionné pour les râteliers de l'écurie. Enfin, je ne sais pas où juste. Ça tombait direct de la tèche de foin dans la crèche. Ça s'ouvrait automatiquement au lever du soleil. Enfin, Dieu sait quoi. Vous savez comment, Jules, de ça écouter sans débranler. Tout juste un petit pli vers l'œil. Mais il faut te le connaître pour t'en apercevoir. Le voyageur n'y voyait rien. Ça fait qu'au moment où le voyageur a eu fini sa théorie, le Julie fait... Non, ouais, non. Votre indienne ne me dit pas grand-chose. Ah, vous avez tort, qui répond le progrès, la technique. Et revoilà le boniment en route. Justement, que l'interroge Jules. Votre système, moi, je le trouve désuet. C'est vieillot, quoi. Des crèches comme ça, on en a eu au village avant le temps d'herbe. Bon, peu, bien avant. Si vous alliez simplement voir la ferme voisine, cette installation qu'ils ont, je ne peux pas vous montrer parce que le patron... n'est juste pas là, il n'aime pas qu'on aille fourrager la cigarette quand il n'y est pas. Mais, quel type d'installation, tu dis? Oh, je ne sais pas, le type au juste, ça doit être américain ou turicois ou quelque chose comme ça. Et ça se passe ainsi. L'écurie est donnée sur le buffet de la cuisine. Ouais, le buffet que la famille met les restes des repas. La crème fouettée quand on ne peut plus l'avaler. Ça, on en a eu. Le fromage, quand il se rapproche trop de la couenne. Le pudding aux grillettes, les restants de pain, de beurre, de confiture, de viande, de légumes, tout quoi. Et alors? Alors qu'il ajoutait, ça simplifiait tout. Quand la maman lève la table, elle met les restes dans ce buffet et elle ferme à clé. Et le patron, lui, pour gouverner, n'a qu'à ouvrir les borages qui donnent sur le buffet pas derrière, et puis ça en va. Alors les vaches se font des sandwichs, des tartines, enfin selon leur goût. C'est rare qu'il y en ait une qui réclame. Vous le voyez, le Jules, avec son air calme plat. Moi, j'avais le pain, là, pour m'éclater de rire. Le voyageur faisait semblant de la de trouver la plaisanterie excellente. Mais ça y a rentré, c'était horrible. Hein, ça... C'est comme ça que ce cadier de vie se marcherait d'ici prendre avec son garçon. Ou plutôt que de vouloir y aller directement de la poigne. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Bismarck. Diable. Depuis le temps qu'on lui dit comme ça, on y pense même. Ce Jules, c'est un type savoureux. Il n'a jamais l'air d'y toucher, mais quand ça sort, c'est toujours exactement ce qu'il fallait dire. Là, il a eu su sa conversation avec l'expert pour la taxe des autos. Non. Oui, j'en ai entendu des allusions, mais c'est pas où, eh ben voilà. Il était donc venu pour y taxer sa camionnette pour le militaire. C'est important, parce que plus ça est taxé, plus tu reçois de soldes journalières quand on automobilise. Ah, oui. Bon. Regarde cette voiture, ils fourguent autour, et puis ils arrivent à un chiffre, enfin, je sais plus lequel, disons 5 000, quoi. Fait que quand ils ont fini, le Jules leur fait... De voir, messieurs, avez-vous vu ces ressorts qu'elle a, cette camionnette? Non. Qu'est-ce qu'ils ont spécial? Regardez les voir. Fait que mes deux gaillards se baissent chacun à son tour, ils regardent les ressorts, et puis, au fond, ils ne trouvent rien de spécial. Les avez-vous? Oui, ce sont de bons ressorts. Par Dieu, qu'ajoute le Jules, moi, quand je regarde ces ressorts, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il supporterait facilement 2-3 000 francs de plus. Ça indique. Et ça a tiré. Oh, bon, sur le moment, pas tant. Mais une heure plus tard, en sortant de la cave, ils avaient eu le temps d'y réfléchir posément. Ils doivent avoir ajouté la moindre des choses. Ah, si on veut de belles récoltes, il ne faut pas regarder à la graine. Après ce que tu as caviste ton histoire de borinque et de curie il y a un moment, ça me fait penser au cochon au mic. Le cochon au mic? Quel mic? Oh, c'est pas un d'ici, non, ça s'est passé dans le gros de veau, il y a un paire de temps. Mais ça a compté au grand conseil. Bon, et alors? Alors voilà que ce mic dont je cause avait deux puissants cochons, bien en avant, prêts pour l'offensive d'hiver. Et quand au matin, en passant par son boiton, notre mic voit son cochon étendu, quatre fers en l'air, à côté de son dos. Bon? Waouh! Alors, il se roulait, il avait des hoquets, il saignait comme le père Alexis quand il s'arrête au milieu du village, rapport à ses douleurs qu'il offrait une grosse main. Mais avec ça, une drôle de tête, comme tu dirais, congestionné. Enfin, le caviste retourne une course contemporain, quoi. Santé, ça dit. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Et à la santé au cochon au mic. Et alors? Alors, ma foi, rentrez-moi dans la maisonnée. Cherchez le vétérinaire, pas question. Il n'y en a point dans les parages. De plus, il y avait eu des maladies de porc par la commune. Les vétérinaires ont été dans le cas de pandémie radicale. C'était risqué, quoi. Avec tout bien pesé, on se dit, bon, au grand mot, les grands remèdes. Voilà le mic qui s'arme d'un bon couetz, puis te coupe la queue à son cochon, ras le portier, là, bon. C'est un traitement connu? Il paraît que ça a souvent des effets. Ça fait une réaction. C'est pas vrai. Ça s'est toujours fait comme ça, quoi. Pendant un jour et demi, pas de changement. Le mic rôdait autour de son boiton comme une âme en peine, et poursuivi par les grognements de cette pauvre bête qui ne voulait ni en ça ni en là. Ça y fendait le cœur à cet homme, qui serait plutôt insensible. Paraît surtout qu'un porc bien gras qui est malade, ça est plus émouvant que quand il s'agit d'un jeune. Forcément. Et voilà que le soir du second jour, mon cochon reprend du mou, se lève péniblement sur ses quatre pattes, se traîne jusqu'à l'auge, et puis se met à lamper. Mais à lamper en ne prenant que le clair, l'épais le repoussait du grain. Ça a donné le tour que se pense notre homme. Et c'était vrai. Dès le lendemain, le cochon se comportait comme un honnête cochon qu'il était, passant son temps à manger, à renifler et à dormir. Attends, sur lequel maladie il s'agissait? Et justement, là, le hic. Tout le village en cause. Chacun avait une explication, comme bien vous pensez. Un avait eu un cochon qui avait eu la même maladie, l'autre c'était une vache, un troisième c'était même un parent, sa femme. Jusqu'à deux, trois jours plus tard, le mec, en se rôdant dans sa remise, se met à rire, qu'on a bien cru qu'on ne pourrait plus le revoir. Dans le cas que ça se ramasse, que disait sa femme, est-ce qu'il ait pris cette crise du cochon? Jusqu'à ce qu'entre deux hoquets, le mic leur fasse. Savez-vous ce qu'il avait, le cochon? Non. Il en avait une fédérale, ni plus ni moins. Une fédérale? Il était rond comme une paillasse. Comment ça? Et voilà. Le mic avait eu, la semaine d'avant, un tonneau qu'il avait envoyé à la ciderie. Comme il restait un peu de vin au fond du tonneau, il avait versé dans un seau à l'armée, puis s'était trompé de seau en vidant en réalité le vin dans l'auge au cochon. Le premier qui avait eu entendu parler des dangers de l'alcool, probable, n'est pas touché. Celui qui se tient près de la porte, il est plus au courant, n'est-ce pas? Il aura entendu les raisonnements de la femme au Bismarck quand son homme est un peu blanc. Mais le second avait lampé cette mission jusqu'à la dernière golée, ramassant de la sorte une cuite à faire vergogne au plus grand soulon d'une région qui en compte pourtant quelques-uns. Ah, ça pourra bel et bien une fois de plus. Il ne faut pas donner, comme on dit, de la confiture au cochon. Ça ne l'en profite pas. Ou ça ne l'en profite trop. Mais le résultat est le même. Voilà. Alors, Sadik, c'était intéressant, cette session du Grand Conseil? Bon, pour d'autres, comme d'habitude. Bon, ça devait un peu s'agiter, là, avec toutes ces places qui sont en jeu par ces temps. Ah oui, ça devait donner de la vie. Oh, comme c'est comme ça, vous savez. Un qui ne serait pas au courant ne s'en apercevrait même pas. Oh, quand même! Non! À haute voix en cause d'autre chose. Bien sûr que quand on en voit deux qui se causent à l'oreille dans un coin, c'est une autre affaire. Mais ça ne fait pas de bruit, voilà. Du reste, les hommes sont toujours meilleurs qu'on croit, savez-vous. Par exemple, quand ça s'agite comme ces temps, qu'il y a comme ça des intérêts en jeu, des déceptions et tout, on se penserait que les gens devraient se turter un peu, enfin, se tenir sur la réserve. Mais voilà, c'est des sourires comme des chatières. Des poignées de main à grûler un poirier de poire de fer. Ça résonne de cher ami, ça transpire de bienveillance, c'est extra. Les hommes sont jolis à voir quand ils sont dans cette tête. Ah, dommage que les beaux sentiments soient un petit peu intéressés. Aïe, le voilà bien notre professeur de vertu. Dommage. Et puis quoi? Enfin, franchement, caviste. Quand ta femme est de belle, est-ce que tu te demandes si c'est intéressé ou pas? Moi, non, hein? Je profite pour y causer de ma prochaine sortie. Hein? Eh bien, ça, c'est la sagesse. Ce qui perd les hommes, voyez-vous, Réjean, c'est qu'on leur en demande trop. Quand ils sont de mauvaises, on leur reproche. Quand ils sont de bonnes, on leur demande si c'est sincère. C'est décourageant. D'accord. Oh, je disais sans passant, moi. Oh, bien sûr que ça irait mieux si tout le monde pouvait joindre en une seule personne, le charme et la vertu. Par Dieu, mais c'est tellement rare qu'il faut savoir profiter des bonnes choses en détail. Le tout est de choisir. Pour se marier, je vous accorde que la vertu est préférable. Mais quand on est en train pour une heure, c'est quand même plus agréable d'avoir en face de soi une jolie dame qu'une vertu qui a des moustaches de gendarme valaisan. Ah oui, pour ça, il y a des gens qui ont la manière. Ah, il n'y a rien à dire contre. Vous les avez jamais vus. C'est comme si vous connaissiez d'avant le déluge. Pas celui de cet automne, non. Oui. L'autre. On ne se retiendrait pas qu'ils vous fourraient dans leur poche, là, comme de vieux amis. Oh, alors. Vous connaissez sûrement le truc qu'utilisait un genevois qui faisait de la politique. Était-il conseiller d'État ou ailleurs, j'en sais rien. Le fait est qu'il connaissait tout le monde et par un moyen qui n'était pas bête. Bonjour, mon cher, qui faisait aux gens, de manière que forcément l'autre disait son nom, Bolomé. Mais voyons, mon ami Bolomé, bien sûr que vous vous appelez Bolomé, est-ce que vous avez cru me l'apprendre? C'est votre prénom qui m'échappe. Seulement, moi, je trouve ça un peu gros grain, oui. Dans un pays de gens méfiants comme on est par là, j'aurais des chances de mal tourner. Parce que suivant avec qui on tombe, ça peut mal finir. Mon père me racontait qu'un jour, pour une assemblée électorale, il était venu ici en gros bonnet de Lausanne. C'est un vieux renard, tout bienveillant, cela, enveloppant comme un brouillard d'hiver qui serait tiède. Et au fond des fonds, une fine serpe, ce qu'on disait. Que bref, mon père le cherche à la gare avec le char et la jupe. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, mon bras. On monte sur le char, du départ. 15 mètres. Mon conférencier se tourne vers le papa. C'était donc de nuit, on ne voyait guère que le falot, puis ils avaient remonté leur col contre le froid. Conférencier est enfin, mon père. Alors, ça va-t-il toujours, Perceval-Long? Perceval-Long? Mon père réfléchit un moment, sans passer plus loin. Et je pense, mettons que le village sera un peu dans un vallon, ce sera une mode de parler comme ça. Ça va extra qu'il fait. Au bout d'un moment, l'autre refait. Et votre garçon, mène bien son affaire. Mon père n'avait qu'un garçon, c'était moi. À l'époque, j'allais encore à l'école, donc pas tant d'affaires à mener. Quel garçon que fait mon père, qui se pense que l'autre aura confondu. Mais Alfred? Alfred? C'est un maniaque que se fait mon père. Tu l'as connu, hein, pas tant causant. Ça devait l'agacer de devoir causer par ce froid dehors. Avec qui se rend froid, il ne répond rien, puis il remonte son col. L'autre comprend. Ça reste plutôt froid jusqu'au village. En descendant du char, c'est là que mon père a compris où l'autre voulait en venir. Il pose vite la couverture sur le cheval, naturellement, se retourne vers l'autre, puis il fait « Excusez-moi bien, j'avais pas compris. » Pour vous dire que je viens de m'en apercevoir, la couverte que j'ai prise n'est pas à moi. Elle est à Alfred du Vallon. Oui, le fils qui me l'a prêté un jour. Et vous me faites penser que j'ai oublié de la rendre. Quant au père, que rajoute mon papa, féroce, il est mort voici 8 ans. Comme ça, cette route de Gaillard regardait les couvertes, puis les noms marqués dessus, et il faisait en sorte de faire croire qu'il connaissait les gens qu'il avait affaire. Sur celle-là, c'était mis Alfred de Bête, fils le Vallon. Comme mon père portait moustache grise depuis assez jeune, le monsieur s'était pincé. C'est pas le fils, c'est donc le père. Et en avant la comédie, il était mal tombé. Ah, c'est que ton père, lui, il aimait rien tant les marchands de douceur. Ah non, ce soir-là, il n'est pas allé à la conférence. Comme le syndic lui demandait pourquoi, il a répondu, « Vois-tu, je sais pas pourquoi, mais cet individu ne me faisait pas confiance. Si je l'avais entendu une heure chanter les louanges du gouvernement, j'aurais été dans le cas de voter pour l'opposition. J'ai préféré aller me coucher. » Comme quoi, il est bien difficile de faire plaisir à tout le monde. Même les gens aimables tombent parfois sur la langue des autres. Ah, trop, c'est trop. Ce que je trouve admirable dans cette histoire, c'est qu'il y ait encore des gens pour se laisser convaincre par une conférence. Dans un sens ou dans l'autre. Oh, ça arrive. J'étais encore jeune homme, moi. C'était un qui était venu faire une conférence avec des projections et tout, sur les nègres. C'était intéressant, pour un temps où les jeunes n'étaient pas gavés par le cinématographe, la radio et tout. Je trouve que le conférencier était un de ces gaillards tout ronds, là, plein de jovialité, qui avait de l'esprit, pardine, et qui te vous présentait ça avec de l'enthousiasme, de l'entrain. Enfin, c'est agréable comme conférence. Même que ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y avait au premier rang le vieux père Bride, l'Auguste qu'on y disait à l'époque. Un gros préco. Ouais, une tête montée sur coffre fort. Et avec ça, rigide sur les principes et rapia appelé à neuf. Pour mettre les pelures dans le corps des pauvres. Ouais, tant qu'à peu près. Avec il était là dans son éternel reclos, il faisait la pote. Il ne cachait pas que le ton de cette conférence lui paraissait un peu plaisant pour le sujet. Quand il savait pas, c'est que le conférencier, lui, était des camarades d'enfance et qu'ils avaient soupé ensemble avant de venir. Bref, une fois que tous les clichés sont passés, mon conférencier se lance dans un appel frénétique pour la collecte. Des missions, besoin d'argent, solidarité, enfin toute la mécanique. Et puis qu'il fait? Il faut renoncer à donner les petites pièces aux œuvres et les grosses au café. J'espère que ça va grainer et grainer gros dans cette crousille. Que chacun y mette du sien. Allez, Auguste, qu'il lance au point d'orgue. Donne l'exemple, mets 5 francs. Et mon vieil Auguste a bel et bien dû rentrer le petit 5 qu'il avait préparé dans son gilet pour sortir une pièce qui fasse plus d'effet. Mais le pauvre homme était cramoisi, je le voyais partir d'une attaque. Quant à vous, je pense que vous ne vous teniez pas tant non plus pour rire. Oh, on n'osait même pas tant, mais on s'est rattrapé depuis. Et savez-vous le plus beau? Non. Eh bien, c'est que, paraît-il, le conférencier l'avait fait espoir, oui. L'autre l'avait invité à souper et te l'avait servi avec une telle grappenisse que ça demandait vengeance. Lequel plat se mange froid, dit-on? Froid, pas froid, c'est paraît-il le seul plat où il avait pu ce soir-là se servir à sa convenance. Au nom de ça! Et quoi? La pendule, vous l'avez pas regardé? Oh, diable! Et au revoir tout le monde! Hein? Au revoir, les gens! Et alors, comme cette fois, dans 4 samedis. À la meilleure! Thank you.